Cette garce prend trop d'espace dans ma vie. Elle et moi, c'est pas du tout une love story. Cette traînée me fait passer pour une menteuse, alors qu'en vérité, c'est elle la pivoleuse. Elle sait me couper de mes proches, folle de moi, qui la trouve trop moche. Cette dominante m'a pris un forfait soumission. Tous les jours que Dieu fait, gère à l'abandon. La journée, je la mets de côté, mais le soir, elle vient me piquer. Le jour, elle me pompe mon énergie, elle refuse que je dorme la nuit. Elle arrive à me mettre en colère, pour elle, c'est salutaire. Je la laisse pas faire, je prends le dessus. Elle me maltraite souvent, avec abus. Elle me trouble, j'en perds l'équilibre. Elle m'aveugle, je suis insensible. Elle me fait tout oublier, je suis toujours sous cachet. À 20h, elle m'emmène au Plumard, c'est toujours la même histoire. Elle est dominante pour ça aussi. Mon sommeil flirte souvent avec l'insomnie. Je suis devenue dépendante, seule. C'est la mort imminente. Les autres ne comprennent rien, les autres ne savent rien. La fille optimiste s'est barrée, sa coloc l'a remplacée. Certains pensent que c'est du flan, vaincu des moulins à vent. J'ai maintenant mieux à faire avec ma coloc non célibataire, qui fout mon couple en l'air et culpabilise ma mère. Pour régler cela, un psy n'a pas suffi. Elle m'a fourni toute une panoplie. Aujourd'hui, mon meilleur ami, ce dévoué neurologue, me suit. Toujours fourré chez l'ophtalmo, un réel besoin au nom de la parano. Un kiné me faire fonctionner, mais au milieu de mes poussées, elle m'a laissé accoucher d'un bébé en bonne santé. Elle m'a offert une carte fidélité, 80%, et la gratuite pour le stationnement. Ma coloc est recherchée, mais toi, évite de la choper. IRM et ponction ont diagnostiqué, mais maman m'a bien préparé. Avec mon ange, mon fils, je peux m'envoler. L'humour noir et mon bouclier, la sclérose en plaques, je vaincrai.